Yeah, my man, légendaire. J'ai beaucoup d'amour pour ma planète Terre, donc je suis pas de gauche ni de droite, je viens d'en bas, donc mon parti est humanitaire. J'ai du mal à voter pour ces enfoirés qui laissent mourir de faim des enfants et qui détruisent des forêts. Juste celles, ils détruisent même les choses essentielles. Leur politique est malsaine et 2006 notre planète saigne. Je t'assure, je m'inquiète pour le futur. Quand les lois qu'ils nous imposent s'opposent à celles de la nature, j'ai l'impression d'halluciner. Mais l'air que je respire, le poulet que je mange jusqu'au steak, tout est contaminé. Y'en a qui disent que l'amour est mort, j'ai à te le confirmer, mon gars. Ils lui ont refilé le sida, mais t'inquiète pas, c'est pas la fin du monde. Donc l'Amérique a du pétrole et qu'on continuera de baiser le tiers-monde. De les exploiter, un salaire d'un euro, c'est lamentable. Ils attendent quoi pour faire des lois pour un commerce équitable? Le monde appartient à tous et à toutes, mais parfois j'en doute. Écoute, tu de ces gens qui ne comprennent pas les dirigeants, qui n'approuvent pas leurs décisions. Les vrais voyous sont au-dessus des lois et ne finissent jamais en prison. Ce monde appartient à tous et à toutes, mais parfois j'en doute. Écoute, tu de ces gens qui ne comprennent pas les dirigeants, qui n'approuvent pas leurs décisions. Les vrais voyous agissent en plein jour et finis jamais en prison. J'ai trop de haine contre les hommes politiques. Une assemblée de fils de pute, excuse ma plume, n'a rien trouvé de plus poétique. Sachez que les clandestins sont des hommes à part entière. Et la terre est à tout le monde, on s'en fout de vos frontières. Aucun colon n'avait de carte de séjour. Vos mauvais choix politiques nous retombent dessus tous les jours. À base d'attentats et de cyclones, et à présent la nature comme Al-Qaïda frappe les innocents. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta bombe nucléaire face aux kamikazes, aux tsunamis, au réchauffement planétaire? Trop de George Bush, trop de Jacques Chirac. À travers le monde, les bons présidents se font rares. Tu sais, on a du pot quand on réfléchit trop. Ils nous envoient des CRS pour nous aider à rejoindre le troupeau. Moi je réclame un partage des nourritures et qu'il y ait une harmonie entre les hommes et la nature. Ce monde appartient à tous et à toutes, mais parfois j'en doute. Écoute, tu de ces gens qui ne comprennent pas les dirigeants, qui n'approuvent pas leurs décisions. Les vrais voyous sont au-dessus des lois et ne finissent jamais en prison. Ce monde appartient à tous et à toutes, mais parfois j'en doute. Écoute, tu de ces gens qui ne comprennent pas les dirigeants, qui n'approuvent pas leurs décisions. Les vrais voyous agissent en plein jour et ne finissent jamais en prison. Et c'est pire en pire, de jour en jour, de semaine en semaine. Malgré tout le mal qu'ils font, ils trouvent encore le sommeil. Laisse mourir le tiers monde de faim. Fabrique des armes pour qu'on se flingue. Et condamne des rappeurs pour des couplets, pour des refrains. C'est le monde à l'envers. Vu qu'on les dénonce, ils ont le seum, on est devenu leur bouc émissaire. Mais notre musique, c'est à ça qu'elle sert. Tu nous empêcheras pas de parler comme une balance devant un commissaire. Un gesso met plus de gouache dans mon micro. Qu'ils entendent bien que les vrais escrocs ne vivent pas dans les ghettos. Les vrais délinquants ont des voitures fonction et des jets privés, c'est prouvé. Ils n'ont pas le temps de faire du son. Ils se divisent en plusieurs parties pour mieux faire diversion. Mais peu importe ton vote, c'est une ordure qui gagnera les élections. Ils pensent à leur profit sans voir où tout ça nous amène. Mais leurs lingots d'or ne brilleront jamais plus que le soleil. Ce monde appartient à tous et à toutes, mais parfois j'en doute. Écoute, je suis de ces gens qui ne comprennent pas les dirigeants, qui n'approuvent pas leurs décisions. Les vrais voyous détournent des millions et ne finissent jamais en prison. Ce monde appartient à tous et à toutes, mais parfois j'en doute. Écoute, je suis de ces gens qui ne comprennent pas les dirigeants, qui n'approuvent pas leurs décisions. Les vrais voyous trafiquent des armes et ne finissent jamais en prison. Jamais en prison.